yeah, and the truth. Mwana bute wa mutombo. femme à l'eau pour la référence au Kendo. Jeanne Aminata, ezali lisolo ya koloba te, lisolo ya kobomba te, pe ya kobombisa te, esuki bongo. Chaco production. Rose Poto, connais la terre, ce mec à moi. Yo kangenga motema boye eli yonde moto na pona kina libala o kasi pona nini yo kangenga kanda boye ikenge na moni pasi tobi sengo Maf Pétrole, TDG Papi Paul, Akisasa. Ngana komi ko banga, mokile linga se bongo. Ngana komi ko banga, mokile linga se bongo. Oyalo di na ya lelo, mokile se le zalidi. Kasi eloko moko na kosenga yo kobosa na te. Molingo loko malamu, esenga ka boyokani. Molingo loko malamu, esenga ka ata. Molingo loko malamu, esenga ka fidelite. Soki na salaki mabe, ebonga kiyo yebisangai. Soki na salaki mabe, ebonga kiyo kosolenga. E purtanto sinya kingana yo. Claudine ma fina chili ma casse Olivier ma tanda babo Eli kenge tula mumu tete Lali noki yoyoyo ya mingyo Tala kutuye adolo makanda Blese babo yo Eli kenge zo Elange komi pembeni to bomba mumara Oyo tolo na kina tango ya pela Elingo ya ikene pesi nanga ekonuna Sekonuna katia motema Bolozi nanga ya tule ju Ebandini nzakati suki ya moto Popo espea koka mwa seko kamwanga Nalanda yo nalo sambo Chaka saya la faki kamunga Freddy matanda popo Prise mo papa jou simba Jaki kidumu ye Yebo yebo yo kasi yonde wasenga kipuni Eliote mondombe Olingo nangana kose na seselite Yonde wanga baboti bapona kina libala Lelo, okomi mo pepe ya kaina Motema nangai nyonso na pesa ki yo na kobosa na te olobaki na nga tokobala na tosuki wapi lokola prince yengi babalanaki ye na monike okei nga kaka boye eza pasi Rémi Foudissa, Mami Pires, Rita Maro, Dolly Mabiala, Tete Mama la Taylor, Rémi Kilola, Mère Matondo, Mère Sabou et Zandeyo, Viviane Alea, Passi. De Paul, ça face à grand frère, Nakisasa, Tonton Lacoste. Bichu Mampuya, Eme Mampuya, Chocho Mampuya, Mafetro le PDG, José Mouke Bakif, José Moukeba, Tobo Sanité, très fort, Chico Tumba, Nike Kouba, Tonton Lacoste. Tango mitema mizwa consolation. Tombe le lit, fort. Yo les sous. Ah, c'est pas vrai. Yeah. place na mikili. Mikili ba yope, mikili ba putu, mikili ba nene, mikili moto, mikili nyose zani. Loko tu wa loko taka tema na kanisa leza na mbongo na kamwe. Bébé Dara, Elena. Les amis de Sosonga, Naye, Adam Domingas, le chouchou de tout le monde, Affaire à Tony Tonya, Kalate Bokoyo Kayango. Les petits Tsumoy à Annie. Na mwana na bino boyoka Bolingwe sila kite yo keyi Epo yo keyi oye bisinga ite o Otiki se manyata Yango ngala landi Ngala ni landi nasukie Pembe na imbale ma Pecho kindoni Bolingwe sila kite yo keyi Epa yo keyi oye bisinga ite Otiki se manyata yango ngana alandi Nalandi landi nasukie Pembe nya yebale mazako Tete mabila maroda mule minasika Yo na ngambo maina kati Sheri na ngambo akota langa na miso ya mawango Bumba lumumba starleta Ngana boshe maina kati Le petit na droite akota langa nina miso ako vimba yo Eje ni mwaloba Na luki watu na katisa ani ako mikole lao Tango na komiko katisa Watu ezindi na maimama Watu ezindi ye ye Ema wao, watu ezindi ya ye Ema wao, nakozonga ndenge kani Nasalika mama kasi nakoma nanga momo susu Eko minga nangambo, anietiki ngana tete Shegalo vyake ya kozonga mula peye banite Yanga papa kenasebo, yene peti nzumutika nandela Abash kumaro kwa mwana Eko mina na ngambo Shega lobi atike anose Atike linga anosa Lobi ake ya kozoma Mokole ye banite Mula pe ye banite Yanga mama kenda sebo Ye tika ngana adela Kiki kuyenga mama na Elena Mama na bebe Tara Stefani ye na Adamo yuka Trinita tata mubimba kolela Bernadette téléphone, j'ai encore les soulés les miens. Et pas il faut aller si ma moi si n'a monté ma mobile à qui tout encore. Les petites sous mon dingue dans l'oulaye, et ça l'a et c'est mon mingue dans mon thème. Là, Annie, dans l'oulaye, dans les marches, naïe. Surtout étant mon linaïe, et là, t'es linaïe. N'est-ce pas mon tout bakéa qui est qu'on en aïe. Mawa. Ah, ok, naïo. Ao pimelina, bolingo le peti Kene yongo makao, unepa yo zali Mibali nenge batondi, basia motindo batondi Babokare pe bazali, bavilen pe bazali Beglize toni mbokao, epa yo kei ye ye Mawao, ao kena yo, ao pimelina Bolingo aniye, kene yongo makao Pa yo zali, ba chinoise pe ba zali, ba japonaise pe ba zali, ba mama galerie pe ba zali, ba ngonyo so ba zali, ye ye ye ye ye ma wao, pa yo ke ye ye ye ye ma wao, na kozonga nenge kani tumbu, ah, maya miso sili nga pona kolela, zako maka boluki, na mouni mna benga ba flama, na ba walo ba ya, Oh, oh, comme ça, tu m'as force terrestre. Oh, navigation dans la côte à terre. Oh, n'en sais pas, tu m'as pégé ça. Papé, tu m'as dit que tu as en France, ailleurs, pour la vie, quand tu as des petits dans la année. Tu vois, tu m'as dit, toi, quoi. Ma sœur, André, c'est fou. boyoka Yige koye na boya tata Maria me bonja, Lili e bonja Papa jan abiso Eza nzonzi nite Eza makila na nande eza kotambola, eza kokele Kotango babota kile peti na lemba Akodo masombo Aoke na yo, aoke nina Boni mole peti, tumuke leo kubaka Kune payo zali, mituka nyoswe zali Kompresor ape zali, veo ya sike zali BMVP zali, nasomi Volvo nangai Nasomi chemise ya Yoshi Nasomi chemise ya Versace Nasomi Amina overdose Nabengi Fifi Mbaleo Nabengi Pichu Mbongao Nabengi Bangonyo Sobayao Nabengi Bangonyo Sobayao Nabengi Bangonyo Sobayao Nabengi Bangonyo Sobayao Paul Mokoko, Jesse Katanga, Goyebisa Robert, Ezali Bongo, Adolphe Dominguez, Affaire Tonya Tonya Goya Ata un jour, Shiro Chamala. Wabelo Rango, Mobali Atembe, Semekia Yoa, Tobe Simbote na Africa City, chez Jackie Kidou. Na Charles Roy, Mère Petit, Maman Véro Boko Dana Daniel. Tango tombanaka koko la bato basse kaka yo milie. Wabelo rango, ne l'amour qui est la crise à miso va réalité mon souci. Wabelo a komana ye le grand monde a fait. Boyo a salaka. Mami Pombo Rémi Fundisa Rafou Kenge Boyo Kabokina Faso Salon Maisomère Claude Muntu Nawe Kopa Garage Gouverneur Tamba Arthur Mamiali Papina Drafan Club Bukina Faso Azimontali Gina Bibalu Tango Tombanaka Koko Laba Tomba Se Kata Yo Midiye Mwadelo Rango Lelo amo kine la kisabiso ba realite mo suspe yo Wabelo akoma na ye le grand on da fe Oyo wazala kako senga ba mongo na kwe ya veni Lelo akoma patole patron Lui somba Arthur Mimiale On a patir de Panama pire petit ya ta ta Noko Simo François Mécano, Litabé Bokunoto, Kati Iben. Esale lina yon, analinga kara. Reine mère na wekopa. Spiti kiyama. Wabelo rango, yoko ningi samboka. Dadu selenge. Wabenga kayo, anje di sekle makambo. Patrick de Panama. Esase na yon, wabelo. Ezali paradis Ezale lina yo nana linga kara Eseke lina yo yere malade Wabelo rango yo koningi samboka Angelia Babenga kayo anje di sekle makambo Yamaki Mesase na yo wabelo Ezali paradis Yanga ina ye Bomanda mama Eko mili sitwale Tina ba journo Ba kokate Se monsa ki koul dan se ve Toni ma bela yebisa aliza saleli na yo ngana linga kara esekeli na yo fiere malade wabelo rango yoko ningi samboka babenga kayo anje di sekle makambo esanse na yo wabelo ezali paradi mfumu na Ferlande. Lene kikine, kikapaya Se konga marodeka mushila, masamba kinwani Esa lelina yo, nana linga kara Shibili Ese kelina yo, fiere malade Lorel Wabelo rango, yoko ningi samboka Babenga kayo, anje disekle makambo Presence na yo, wabelo Wili e bonja na jete paradis. Eldorado Pascal Wabelo rango, oe provoke inunda sona motema Wabelo rango, ome mi fidelite nangae Wabelo rango, yonde ozali wanga ya motema Bananjili, opesa nini mote Pascal Poba, okoyoka Eka lelina yo, gana linga kara Shiro chambara Eseke lina yo, fiere malade Mbalu mumba Wabelo rango, yoko ningi samboka Babenga kayo, anje di sekle makambo Masiku sangila Esase na yo, wabelo Ezali paradis Afoku sangila, fujansa eyenga Eka lelina yo, gana linga kara Eseke lina yo Wabelo rango, yoko ningi samboka Babenga kayo, anje di sekle makambo Esanse na yo, wabelo, yoka sali paradis Ah, Kidima, Eva, Kidima, Eva, Eva, Eva, Eva, Eva, Eva, Eva, Eva, Eva, Eva, Eva, Eva, Eva, Eva, Eva, Eva, Eva, Eva, Eva, Eva, Eva, Eva, Eva, Eva, Eva, Eva, Eva, Eva, Eva, Eva, Eva, Eva, Eva, Eva, Eva, Eva, Eva, Eva, Eva, Eva, Eva, Eva, Eva, Eva, Eva, Eva, Eva, Eva, Eva, Eva, Eva, Eva, Eva, Eva, Eva, Eva, Eva, Eva, Eva, Eva, Eva, Eva, Eva, Eva, Eva, Eva, Eva, Eva, Eva, Eva, Eva, Eva, Eva, Eva, Eva, Eva, Eva, Eva, Eva, Eva, Eva, Eva, Eva, Eva, Eva, Eva, Eva, Eva, Eva, Eva, bolingo bolingo batelenga ni makani sima bongwa ni destination na biso esukie nanzela na le bolingo bolingo batelenga ni makani sima bongwa ni destination na biso esukie nanzela na le Awa yopo nina yoko kende otika wa yomu ninga Atako bako sengi nya yo Pole loyo boyanga Pole loyo boyanga Pole loyo boyanga Ma proje nyo sozala kinango Sombe li kompio na masuwa Awa yola nibi novela ya batole Lo jako moto mabe Uruna ni yako ni yako Mateso ni yako mutoto wa mama Kabuya lambio lambala Mama kolisanga nesenga la teeta jamais la congolese Alembi ya domu yolo le metu ma arma mpaka ye Bona nini baba nzanga sangu Heya, heya, heya, heya, heya Nale, sheri nanga jibile Nale, sheri nanga polpaniye Bona nini otikinga na molili yosotale Ya pocho tekele, Florence Boule tekele, Bichou Mapouya tekele, Frankie Kanila di Joele, Deo Maïla. Malembe, malembe, malembe, mama, malembe tjeni mwaluba, to koko ma, koko de rai, meme la perondo masi, zango. Fenêtre na kangati poisa likoleka apesanga apeseza lango bisunanga Bolingo bolingo matelenga ni makanisi mabongwa ni destination na biso esukie nasera nale Bolingo bolingo matelenga ni makanisi mabongwa ni destination na biso esukie nasera nale page pour mort Delta Force qui ont compté en Kayan Tchomani Antro du Mani, on va retirer Mani Kotini dans son mois pour Mawa. Chérie Nana, chérie Coco, la vie dit la vie, oh, awa toi les problèmes, oh, moi je suis parti Coco, awa mambo maleki, oh, asila pocho, oh, oh, oh, oh, Abidjan, Kinshasa, Paris, Bruxelles. Si tu n'as pas l'argent, mon ami, pas de bagnole, si tu n'as pas l'argent, mon ami, pas de bijoux à bambou, si tu n'as pas l'argent, mon ami, pas de gestes, mais oh, voilà pourquoi je suis parti, chérie Coco, je suis parti. Vous avez moins de moi, c'est fini. Moi, je t'ai dit, toi, et ça, t'es sorti dans la guitare. Basulu, Apollinaire Switzerland. C'est que Marie France Kané, Marie Claire qui toque au goût. Aïe aïe aïe, Coco Ele. Yvonne Ize. Aïe aïe aïe, Tamboni Mouamane. Ala Benou Balou Balou, Tiama Kalo Wimine. Michel Makengo de Landa SP, Chombo Kenda Kala. Kiria Mamadile. François Moutema. Kiria Mamadile. Wa wa wa. Anita Mwasi qui toque. Bangue, London City, je ne m'en poigne. Kiria Mamadile, Rami Amissi, Rami Amissi, wa wa wa, bébé Mamadile. Marie-France Martial en Paris, Zombo Faustino, Jean-Cy Lucie, et que toi y es si mando, et Pascal Ninga, Franck Fouala. Mais c'est bien, tu diras, j'y pense, de la part de Jimmy Wetenu, et ça va au Japon, Ricardo. Tu vois l'ingacalisation de l'île. elambele ki mokuse na so na tapupe zonga mi jane zonga mama zonga papi mo passe zonga papa zonga tata mo bichi domingezi domingezi domingezo ya misa ni misa mole mama na shema ya kakota la menga ko mi kokando si de la tai basa con la mokanda misie bongo na yeba yo kanisa kanga mokemu kala reto visa ndenge to banda kilambasi wana moto akoma mopepe ya kainara na mera masala na sea piti na mosana na koni kamina ya kiwae koni bebe yo oche oh mama Gandhi Malungu Doli Malonga Pacheli Cheko Cheko Moke Ebum Moke Amensa Nasenga Kina Ye Alimbisa Alimbisa Ko Bun Motema Makasi Bune Yeba Moto Akenda Kamo Sala Posuka Sanza Alifuta Oyanga Nalona Na Motema Lisete Kimoto Kose Kananga Lilo Ebo Mwani Mawane Lide Ingo Susi nini na funda bolingo bakonda nenga pende mo Onya osala kimwa na malamu nino yobongwani Heriki kezo beyi kanto la geor de santa Sandala kakabuya papi kenzo oh, oh, oh. Tata mwana Kongo Tango mususu yoka kina lisolo Po naluki mwana mwasi yo partu Na tuni teo maila Na pengi trabete matari Na pengi elodifasi ya feti Na tuni ataba na mike Jennifer na mixa yala Bazana lisolo na yoke Na ebite yo sobe yoka isa mwane Ah malaj de lungendo Tika dana seka Flema masolo zo ye bisanga esali na pasi Pasi ya kusangila loto Malaja banawa ko ye bisanga Trinita Tango mosusu ye mta koya kosala konikil Tango mosusu ye mta kosala manikil Lelo bali ba fiancé na ya ye awuti poto Na ndimite Po bolingo yango Eza lokola interpreteur Tango mosusu bakokoma mwinda Tango mosusu bakopelisa Metola na kaka ye kokutana na ye Ata un jour ah. Côté Matoleka, Joël Photo Mbetenge, Jeanneau Pétrole. Aïe aïe aïe. Il a aussi tout la beau Yolingaka. Makile Gotambola, Naoluri City, Sagi Sharufa, Mabele, Mokonzi.